Au terme de la conférence ministérielle du Forum d'ASEAN tenue au Laos, la délégation coréenne conduite par le ministre des Affaires étrangères Lee Yong-ho a regagné le pays par avion le 30 juillet.